Hey! Bonjour! Salut tout le monde! Ça va bien? Moi oui! Épisode numéro 3 de Bicorama! Putain, hein? Ça va vite, hein? Ça va vite! Bientôt à quand le 10e? Bientôt on est rendu au 2000e! Ouais! Puis, hein. On va faire un épisode pas bon, puis. C'est exactement comme le podcast, hein, Gigi. Non, du tout. Écoutez, bienvenue chez vous, bienvenue chez Bicorama, le podcast Hommage en musique de jeu. Et je tiens à préciser quelque chose, on s'en avait pas parlé, Dom, mais je tiens à dire, en passant, pour ceux qui pensent, je sais pas, ça peut arriver des fois qu'il y ait du monde, je sais pas, de Nintendo qui écoute notre show. Ouais, c'était peut-être Miyamoto nous écoute. Ouais. Je tiens juste à préciser que ce podcast-là est 100% pour faire connaître la musique de jeu et on n'est absolument aucunement affilé aux chansons, tu sais, on s'entend que c'est pas nous qui les a faites, ni composées. Fait que, tu sais, je prends pas de chance. On est absolument c'est tout du monde qui c'est d'autres compagnies qui ont fait cette musique là et c'est ça. Ben tu sais, d'un coup qu'on se fasse avertir, tu sais, qu'on se fasse taper ses doigts, hey, c'est pas vous autres, cette chanson là. Ouais, fait que c'est ça. En tout cas, ben bref, hein. Mais j'espère que ça arrivera pas, non plus, mais c'est ça, tu sais. Ouais. on prend de nos jours, hein. Ouais. La vie étant ce qu'elle est, et voilà. Quelle belle expression. Merci beaucoup. Écoute, mon cher Dom, on va aller, je pense, tout de go, encore une fois, en remerciant les chers auditeurs pour nous avoir acclamé l'épisode numéro 2. Je dis acclamé. Acclamé. Ah oui, on a des beaux commentaires. On est bon un peu. Hein? Entre autres, on a eu des commentaires directement sur le site de jjfanjojo.ca de M. Sylvain Germain qui nous dit « Salut les boys, bon show, très intéressant. » Et sur, là, il y a marqué 2T, S-U-R-T, 2T, mais vraiment, il voulait dire surtout, très divertissant. Ce serait bien si on savait comment vous rejoindre. Ah oui, moi et l'histoire du Gmail. Ouais. J'ai perdu patience. Je sais que t'avais essayé, je pense, ça n'avait pas fait. Non, ça n'a pas fait. Je vais m'essayer de mon bord. Ouais, c'est tout ton bord, parce que moi, j'ai pas de patience, mais c'est plate, hein, mais c'est la vie. Sinon, écoute, mon très cher Germain, tu peux nous, comme on dit à la fin du show, tu peux nous écrire sur Twitter, sur nos Twitter respectifs, sur la page même de Fun Jouer Juste, sur la page Facebook. Tu sais, il y a vraiment plein de façons de nous retrouver sur les internets, sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez passer directement par au pire la page contact de Fun Jouer Jeu. Ça va juste être drôle, mais que je fasse mon show normal de voir Joël lire un fan de Gekorama qui nous encourage. Fait que faites-le, ça pourrait être drôle, mais je trouve que ça pourrait être bon. Mais sinon, là, je pense que Dom va s'en occuper, hein, Dom? Oui, mieux que moi. Alors, bon, il a ça. C'est ça, email du show, Facebook, Twitter, comme on le disait. J'ai deux suggestions de musique. Fait que là, il nous a donné des suggestions qui ont l'air vraiment trippantes, qui ont vraiment l'air très bonnes, qu'on va mettre dans la banque des suggestions. Des suggestions. Pour l'épisode spécial. Pour l'épisode spécial, des suggestions. Donc, entre autres, il nous a proposé Battle of Olympus au NES, Phantasy Star 2 au Sega Genesis et Xbox Live Arcade, probablement sorti dernièrement. Puis il nous parle de la musique de combat et tout ça. Ça a l'air vraiment cool. Oh oui. Sylvain, inquiète-toi pas, on va en mettre dans le show, ça c'est sûr et certain. Puis j'aimerais revenir pour Twitter, tu sais, l'autre fois je te soutenais dans l'épisode 2, parce que Dominique Jean, c'est j'avais raison. C'est juste A commercial, Dominique, petite barre en bas, Jean. C'est ça. Pour mon Twitter. Retenez ça. Puis aussi, là, n'hésitez pas à écrire à Dom. On aime ça, se faire justement parler de ça, parler de l'épisode, comment vous aimez ça. Puis Dom, il faut que ça monte son compte Twitter, là. Je veux que ça monte à 100. Dans un mois. Go. Il m'en manque 60. Papa, moi, j'étais à 256. Fait qu'il faut qu'il me clenche. OK. Après ça, directement sur la page Facebook de Fun Jouer Jeu, on a eu des beaux petits commentaires. Et ça, c'est le fun parce que... Ouais, on a eu des bonnes questions. Non, c'était le fun. Puis j'ai vraiment apprécié. C'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde a eu vraiment le courage de nous écrire. Et tout. Puis on l'apprécie encore beaucoup. On le dira jamais assez. Fait que, Dom, si tu veux, tu peux nous lire les commentaires que notre cher fan nous a donnés. On a Mathieu Lamar qui nous a demandé « Musique des jeux rétro versus des musiques de jeux présents. C'est quoi votre préféré? » Veux-tu y aller? Vas-y donc, hein? J'avoue que j'aime les deux, en fait. C'est un style vraiment différent. C'est sûr que... Le rétro, il est dur à battre, là. Megaman et compagnie, puis tout ça. Ben écoute, j'aime les deux. Ce qui se fait dans le nouveau aussi, c'est très bon. C'est sûr que c'est plus. Vous avez ça. C'est arrangé. Ouais, c'est sur les orchestres. Mais encore là, tu sais, il y a des jeux d'aujourd'hui qui sortent qui sont de style rétro que j'adore beaucoup. Ouais. Entre autres, je pense à Shantae Risky Revenge. Je pense à. Ben, il y a Retro City Rampage. Retro City Rampage, c'est récent, d'ailleurs. C'est fait sur le rétro. Mais qui est fait justement par rapport à Dantan. Tu sais, sur le mode rétro. Fait que, tu sais, c'est vrai que. Le nouveau, puis ce qui s'est fait, des fois ça s'est rejoué beaucoup, mais ouais, autant que je parle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de préférence. C'est sûr que. On s'entend que j'ai vécu avec le Super Nintendo. Ouais, c'est sûr, moi aussi. Le 64, le PlayStation. Fait que c'est clair que quand tu vas mettre de la musique de ça, ça va réveiller pour moi des souvenirs, de la nostalgie. Ouais. Donc, c'est clair que j'aurais tendance à aller plus dans le rétro. On a plus de souvenirs par rapport au rétro. C'est ça, tu sais. Mais je partage un peu ton opinion là-dessus. Mm. Donc, merci Mathieu de nous avoir posé cette question. On passe maintenant à Étienne Richard qui nous demande c'est quoi la toune qui vous fait revenir jeune. Oh, bo boy. Écoute, Étienne, il y a tellement des tounes qui me font revenir en enfance. Là. C'est juste débile. Mais je pense, sans aucun doute, il y en a tellement. Je pourrais toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup. Mais une que j'aime bien, quand je l'écoute, pour moi, c'est comme un retour en enfance directement. C'est pas mal toute la soundtrack de Super Mario World. Ah oui, définitivement. C'est vraiment une. Toute la soundtrack est vraiment malade. Ça me rappelle le temps que j'ai eu ma première Nintendo 64 à Noël, puis que j'ai joué à ce jeu-là comme un fou. Ça, puis quand j'ai joué à Mega Man 7 aussi quand j'étais jeune, je l'ai jamais passé. C'est dur. Puis dernièrement, puis un de mes chums, on l'a passé. C'est quand même un bout, mais pour la première fois. Mais non, Mega Man 7, quand j'entends ces musiques-là, ça me rappelle mon enfance. Ben, pour Super Mario World, je suis allé avec ça aussi. Ouais. C'est il venait avec le Super Nintendo en plus. Ah, c'est ça. Tu pouvais pas ne pas jouer, tu sais. Fait que, c'est vraiment excellent. Ensuite, M. Kevin Brasseur qui nous dit « Votre tune préférée de Chrono Trigger ». Kevin, c'est pas facile celle-là. Ouais, pour lui, Corridors of Time, c'est un must. Il nous pose une autre question que je poserai pas dessus. C'est tellement dur, cette question-là. On a parlé un peu dans le char en montant, puis oui, j'en aurais une, mais tant qu'à moi, je les mettrais toutes parce qu'elles sont vraiment excellentes, toutes autant qu'elles sont. Vas-y, Dom, commence. Moi, je me sens pas prêt à répondre encore. Étrangement, moi, c'est pas. Il y a les grands classiques, Frog, Magus, puis tout ça. Mais moi, ce serait la toune de fin, tout simplement. C'est vrai que la toune de fin. La toune de fin, moi, c'est elle qui me remémore tout le jeu, puis toutes les bonnes aventures qu'il y a eu avec ça. Exact. Puis c'est que le fun, c'est que vers la fin de la toune, t'entends comme le petit pendu au début, là, le petit clocher. Là. Ouais. Exact. Tu l'entends, puis je sais pas, moi, c'est elle qui me fait beaucoup d'effet. Ils sont vraiment excellentes, là. Mais celle-là, c'est surtout en plus que le jeu il finit bien, il y a une belle fin, c'est bien orchestré. Fait que là, tu finis là-dessus, puis là, la chanson en bas, ça te rappelle justement le début. Fait que c'est vrai que la toune de fin est excellente. Pour ce qui est de moi, j'en ai réfléchi beaucoup, je pense que c'est la chanson thème de je pense que c'est Scala. Chala, ça? Ouais, Chala. Ben, ça se prononce que, mais bref, en tout cas. Ouais, c'est Scala. J'adore cette chanson-là, je l'adore vraiment. D'ailleurs, t'en rencontres, je pense, dans le corridor of time, quand t'es rendu là, c'est là que t'en rencontres. Ouais. C'est elle qui vient comme t'aider un peu là, quand t'es rendu sur les îles flottantes avec Magus étant plus jeune, puis tout ça. Je trouve vraiment que cette chanson-là, tu sais, il y a des tambourins, on entend un peu, c'est quasiment de la harpe, j'ai l'impression. C'est ça, parce que bon, tu sais, j'aurais pu dire j'aurais pu dire Frog, j'aurais pu dire n'importe quoi, mais je pense que après avoir entendu ce soundtrack-là des dizaines de fois, celle-là me reste vraiment le temps en tête. Ensuite, M. Brasseur nous demande également votre pire tune que vous avez jamais. Le pire tune que vous avez jamais entendu, et c'est quoi? Pas pourquoi, c'est quoi? Non, parce que pourquoi, c'est juste que c'est mauvais. Pas évident ça. Moi, parce que personnellement, moi j'écoute. Je veux pas, c'est toutes des tunes que j'aime. Dans ma lui, d'après moi, ce qu'il voulait plutôt dire, c'est que tu joues à un jeu que la musique t'a tapé ses nerfs. Mais qui était vraiment pas bonne, ou même tu l'as pas. Moi, ce serait Mortal Kombat. T'sais, j'aime la franchise. Pas le thème principal, là. Mais vraiment le reste. Le thème principal, c'est plus le thème du film, je dirais. Ouais, c'est le thème qu'on connaît tous. Ouais, ben en même temps, il n'a pas été remixé, lui, ça. Ben, je pense. Fatboy Slim, je pense, a fait une cochonnerie là-dessus. Ouais. Ouais, en tout cas, si tu dis que c'est une cochonnerie, ça doit pas être. Mais bon, la toune principale, c'est quand même cool. Mais en tout cas, il me semble que c'est. Ben, en tant que tel, les tounes de Mortal Kombat, moi, c'est. Non, j'ai pas. Ouais, ça passe pas super. Non, bon, c'est indifférent. Sinon, il y a beaucoup de tunes qui m'ont tapé ses nerfs. Tu sais, quand tu loues un jeu étant jeune, puis la musique est soit stressante ou carrément trop aiguë, trop basse, ça fit pas. Il y a quelques jeux qui m'en viennent en tête, surtout des jeux d'Atari que j'ai déjà entendu, des jeux de NES aussi, plein d'affaires. Mais tu sais, il y a rien qui me pop dans la tête. Il n'y a pas de jeu en tant que tel que vraiment que je me dis ok, ouais, ça c'est un jeu de merde. E.T. à l'Atari, tu sais, j'ai vu des vidéos de jeux là, beaucoup de vidéos de jeux là, puis Wash là, la soundtrack, c'est dégueulasse là, c'est vraiment du caca. Après ça, bon ben là c'est tout, c'est tout ce qu'on a eu comme commentaire. Merci beaucoup, oui, encore une fois de nous avoir écrit, ça me fait plaisir de répondre à cela. On y va-tu avec le premier bloc? On va y aller avec le premier bloc, mon chum. Qu'est-ce qu'on a en numéro 1? On a The Adventures of Bayou Billy. Sur le NES. Eh oui, mon homme. Fait que The Adventures of Bayou Billy, c'est fait par Konami. Ça a été, fait par Konami, publié et développé. Bon, les compositeurs de cette chanson-là, bon, il y a quand même une bonne liste. Puis c'est mes amis, les Asiatiques. John Funahashi. Kiyoyo Kiro Sada, Hidenori Maeya, Atsushi Fuyo, Tetsutomi Ogura. Il y en avait pas mal, hein? Ouais, c'est... puis j'ai oublié le nom déjà. Écoute, s'il ne serait pas écrit en avant de moi, je les aurais probablement oubliés également. Non, c'est ça, Bayou Billy, un jeu que je n'ai jamais joué malheureusement, et j'ai pas entendu des bons commentaires malheureusement. Ça reste un platformer, c'est basé sur une émission, je pense, de télévision. Bayou Billy a d'ailleurs fait une espèce de caméo dans l'émission de Captain N de Game Master, puis qui était comme en espèce de Crocodile Dundee. Ok. Donc, en gros... La pochette est drôle, par exemple. La pochette est vraiment cool. Parce que moi, je la regarde là, puis on dirait que la tête, elle fit pas avec le corps. Je sais pas, ça me fait louf quand je la regarde. Ouais, ça. Ben on dirait qu'il est comme penché, puis qu'il fait... Ouais, on dirait qu'il est comme photoshopé. C'est crocodile, je vais les buter. Il y a un gros couteau bizarre, mais ouais. Non, j'avoue. C'est... Mais tu sais, je trouve ça beau, avec les feuilles, puis tout ça, le logo de Bayou Billy, je trouve ça vraiment... Okay, c'est cool. Mais la musique est très bonne. Oh, puis, oui. Je trouve... C'est ça aussi... J'ai pas joué... Non, non plus, mais moindrement que le jeu doit se passer, j'imagine, dans une certaine savane où il va y avoir de la végétation. Mm. Ça colle très bien à cette esthétique-là. C'est super bon. Ensuite, en numéro 2, on a quoi? On a, tabarouette, on a Castlevania Symphony of the Night, oui. Lost Painting. Tu sais, le jeu que j'étais supposé de parler avec Papa Cassette dans mon dernier podcast, épisode 49, puis qu'on n'a pas parlé. Là, ce soir, je vous en parle, mais c'est très drôle. Donc, ça c'est également fait par Konami, écoute. C'est aussi composé par nul autre que Mikuru Yamane. Il y en a un qu'un, là. Yes. Mais Mikuru Yamane, si je me trompe pas, a également co-écrit la soundtrack de Skullgirls, qui est un jeu de combat qui est sorti dernièrement. Okay. Oui, monsieur. Et le jeu, il a l'air vraiment super beau. Je serais vraiment, vraiment curieux. Je suis curieux parce que, avec ce qu'il a fait dans ses films de neige, là. Non, c'est ça. Puis vraiment. Ouais, c'est ça, Skullgirls. C'est un jeu qui est sorti sur la plateforme de. Justement de téléchargement, PlayStation Network. Je sais pas s'il est disponible sur Xbox Live Arcade. Et c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est publié par Konami également et Autumn Games. Puis c'est fait par Reverge Labs. Fait que non, tu sais, d'après moi, ça serait cool. Moi, c'est pas ça va être à checker. Oui. Puis le jeu, il a l'air vraiment super beau également. Donc, c'est ça, le compositeur. C'est. Que dire de ce jeu-là? Que dire de cette tune-là? Lost Painting, c'est probablement dans les chansons que j'ai plus écouté de cette Castlevania-là. Pourquoi? Parce que non seulement elle est épique, mais non seulement elle te transporte carrément dans le château, dans tout ce qui est de voyage. Ça donne des frissons. C'est beau. C'est quelque chose. C'est bien fait. C'est bien. Je trouve. Ah, tout est bien orchestré. Orchestralement, ouais. C'est parfait. Il n'y a rien là-dedans qui est mis de côté. Fait que... D'ailleurs, je l'ai fait récemment avec ce ouais, jeu-là. Ben oui. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, d'ailleurs, puis à un moment donné, tu me dis crime d'homme, fais aller. Non, non, je t'ai gossé avec ça. Ouais, là, tu m'as gossé, mais maintenant, il y a les fêtes, puis ah, c'est aucun. Yeah. On dit que c'est la fun. Ah, c'est ça. Non, écoute, je vous le conseille à tous. Moi, je l'ai peut-être deux, trois. J'ai deux, trois versions de jeu. Là, je l'ai sur le PSP, je l'ai sur le PlayStation Network. Ah ouais. Ouais, je l'ai deux fois, okay. Puis c'est mon jeu. Là. Ah, je comprends ça. Ah non, c'est vraiment débile. Ensuite, on a Super Mario World 2 Yoshi Island, très très bon classique. Oh, oui. On a la chanson thème de du boss de la fin, le boss de la fin, Bowser, spoiler. Ah, que veux-tu. Ça, écoute, j'ai à peine besoin de checker ma fiche technique pour ça. On s'entend que ça a été fait et par Nintendo, donc développé par Nintendo EAD. Bon, j'imagine que ça doit être une autre faction. Et il y a une couple de directeurs là-dedans, étonnamment que. Bon, c'est le Shigeru Miyamoto était seulement le producer. Et ça a été composé par Koji Kondo, évidemment. Oui. Bon, maître dans l'art de Mario. Il en a fait un nombre incalculable. Et waouh, on s'entend, c'est merveilleux. Probablement. C'est merveilleux. Ça, c'était. Je pense que de toutes les tunes que Nintendo ont. Que Koji Kondo a composé, c'est la tune la plus. Je trouve. Heavy. Oui. C'est une grosse toune que facilement n'importe qui pourrait faire en cover metal. D'ailleurs, notre bon ami Johnny Atmon en a fait une qui torche sans bon sens. Ouais. Fait que moi, non, c'est malade. Mais tu sais, je me rappellerai toujours du moment, tu sais, t'arrives là la première fois, puis il veut pas, c'est quand même un peu. Hein? T'as un gros buzzer là, au bout qui arrive, là, puis si jamais tu. Gigantesque. Quand tu manques ton coup souvent, là, avec les espèces de gros œufs qui te fournissent, ouais, hein, il grandit. Quand il est à côté de toi, je te dis que tu freaks. Ah non, c'est épeurant hein, comme jeu. Mais la toune est géniale. Ah oui, ben c'est toute la soundtrack est bonne, mais c'est surtout que ce jeu-là utilisait quand même au niveau de. Peut-être pas de la musique, c'était spécial, mais au niveau du graphisme, c'était un peu coloré, un peu BDiste, cartooniste. Puis t'avais vraiment l'impression d'être plongé dans un monde trois-dimensionnel, 2D. C'était. Oh, c'était assez. Tu ris, mais Miyamoto, lui, a toujours dit que ce jeu-là, c'était pour faire, entre parenthèses, direct, je sais pas comment qu'on appelle ça, comme pour faire l'équivalent de Donkey Kong Country. Ah, ouais. Parce qu'il disait que Donkey Kong Country, c'était beau, tout ça, mais ça réinventait rien. Fait que lui, il voulait il y avait de la compétition entre les jeux de Nintendo, quand même. Étrangement, tu sais, parce que tu veux pas quand on parle de jeu-là, tout le monde dit juste Yoshi Island. Ouais. Mais c'est. Je veux pas, c'est super. Super Mario World 2. Ouais, c'est ça. Moi, comment ça, là. Moi, au début, je pense que j'avais jamais remarqué ça. C'est un peu le même principe que Castlevania 2, Simon's Quest. Tout le monde voit le gros Simon's Quest, mais tu sais, c'est Castlevania 2, là. Même principe, c'est Super Mario World 2. Ouais. Là, c'est il est écrit tout sequel. Petit. Ouais, mais c'est un prequel, donc ça se passe avant, tu sais. Mais ah, quelle chanson. Fait que c'est tout. Alors, bonne écoute, et on se revoit tantôt. À tantôt. Thank you. pour faire suite à ce bloc 1. Oui. Nous allons avec le bloc 2. Oh yeah. Écoute, donc... Qu'est-ce qu'on a en premier? Qu'est-ce qu'on a? On a Cosmos Canyon de Final Fantasy VII. Oui, au PlayStation 1. Yes. Un grand classique. C'est sûr que c'est probablement le Final Fantasy, tant qu'à moi, qui est le plus populaire, qui est le plus connu. Néanmoins... Moi, je trouve que c'est pas le meilleur tant que ça. OK. Parce que moi, étant un possesseur, ce que veux pas, moi, j'ai toujours eu quasiment toutes les consoles Nintendo. J'ai pas eu PlayStation dans ma jeunesse. J'ai eu inclus la PlayStation 3 plus récemment, non. PlayStation 1, PlayStation 2, j'ai jamais eu ça. Ah. Puis c'est pour ça que je le connais pas. Mais tu sais, le 7, j'aurais voulu y jouer. Mais je sais pas si c'est... Tu sais, je suis pas un graphic horror, là. Ouais, non, mais, c'est ça. Mais je la regarde, puis non, je le trouve laid. Non, mais Final Fantasy a excessivement mal vieilli au niveau des graphiques. Ouais, j'ai pas de nostalgie là-dessus. Non, c'est ça. Puis je sais que, par contre, dernièrement, ça a l'air qu'il est sorti sur Steam, puis qu'il a été un peu refait. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il veut dire par un peu refait. Ouais, un peu, parce que... C'est pas super. Ouais. Ça fait vraiment pitié. Néanmoins, la musique n'est pas à négliger. C'est probablement... Ben, c'est pas probablement. C'est dans les meilleures musiques, là, je veux dire. Ça ne fait pas de sens comment que c'est bon. Tu te rappelles-tu du moment en tant que tel, là, Cosmos Canyon? Cosmos Canyon, autrement dit, c'est quand on rencontre... Ben, c'est l'univers où on rencontre Red 13, qui se trouve à être un genre de chien ou un loup, okay. Qui est un personnage jouable dans le jeu. Et c'est sa chanson thème à lui. Je pense que c'est soit quand on va dans le... dans son village, et là on voit un peu de background avec son père qui est mort, des trucs comme ça. Okay. C'est vraiment fou. C'est vraiment trop hot. Et je tiens à rappeler que, je l'ai pas dit, c'est un jeu qui a été publié par Sony, et c'était développé par Square Enix, fait par Nobuo Uematsu en personne. Donc c'est encore une fois génial. C'est du génie, c'est du gros grand Nobuo. C'est super bon et j'espère que vous allez apprécier. Ensuite, nous avons Final Fight 3 for Metro City. Oh oui. Alright, ça torche. Publié par Capcom, développé par Capcom. Et les composeurs, bon, ceux qui ont composé la musique, ah, c'est le fun. Ouais, c'est le fun que Wikipédia, ils disent tout. Non. Mais j'imagine que, bon, on s'entend que ça doit pas être si grave que ça qui a composé ça. Chica Malata, en tout cas. Mais entre autres, ouais. Non, mais pour en venir à la chanson, là, ça c'est la première toune. Dans le fond, c'est la toune du stage, en fait. Ouais, exact. Et elle est vraiment excellente. Et comme on le dit à tous les épisodes, là, la toune des stages 1, hein, ouais. Tu sais, c'est gagné. Ça te mettait dans le beat pour péter des gueules, là, pour vraiment, parce que c'est un jeu de combat. Beat de mort, un peu comme Double Dragon. T'avais le choix, je pense que t'avais Agar. De Guy, puis je pense que Axel, je me rappelle plus, c'est ça. Ben, je pense qu'il y avait la version arcade, où ce que tu les avais toutes, je pense. Puis t'avais la version SNES qui en avait enlevé. Je sais pas s'ils l'ont fait pour le 2 ou le 3. Non, je pense que c'est le 1. Dans le premier Final Fight, t'as la version avec Agar, puis Colin, je me rappelle pas de l'autre. Je pense que c'est Rudy, je sais plus. Puis t'as une version qui est Final Fight Guy, parce que t'as Guy, je pense que t'as Agar, puis Guy, ben t'as les 3. Ouais. Là d'ailleurs, je pense que sur eBay, il vaut cher. Ouais, c'est ça, c'est pas des jeux qui sont assez rares. Mais ça vaut pas la peine, on est aussi bien d'avoir le premier Final Fight, puis. Ouais, le reste. Ouais, c'est ça. Mais néanmoins, écoute, c'est assez pour vous donner le goût de péter des bouches. notre prochain en fait. C'est assez particulier, hein. C'est un jeu qui a été très très très controversé dans le temps. Tout le monde ou presque le connaît qui sont dans l'univers gaming. Moindrement que vous avez possédé une 64, que vous en avez loué une, soit que vous l'avez vu ou pas sur les étagères. Je parle de Conquer Bad Fur Day. Ouais. La toune Birdie Hum Birdie. Tu sais, quand on commence le jeu, Conquer, autrement dit, passe une nuit à la taverne. Okay? Ouais, il est assez magané. Toute une soirée. Il est assez magané par l'alcool. T'sais. On dit magané d'alcool et Nintendo. Ouais, ça m'étonne qu'il ait accepté le projet. C'est le genre de toune que peut-être t'as ressort de brosse, mais je sais pas, c'est... C'est jazz, hein? Toune de gaucho, hein? Ouais, c'est ça, t'es pacté bien dur, puis tu te promènes, t'es roulé. Mais la première fois que j'ai vu, quand on me parlait d'un jeu-là, t'sais, au début j'étais là, mais voyons donc, tu sais, le monde m'en parlait, puis hein, il jouait à ça, c'est super bien là, puis tout ça. Et moi, je regardais la pochette, mais voyons donc, tu vois une petite écureuil, puis tout ça, puis ça avait pas l'air à ça. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, crime, tu joues, puis là, oups, ça. Tu vois pourquoi il était controversé. Ah non, là. Écoute, c'est assez débile. Puis, ça a été fait, développé par mes développeurs préférés, mes anciens développeurs rares. Maudit que je les aimais. Ceux qui ont composé, lui qui a composé la chanson, c'est Robin Beanland. Vraiment, c'est très très très bon. Le directeur et le designer Chris Seaver a fait vraiment une job du débile. Et c'est probablement dans leur plus beau chef-d'œuvre ever. C'est rare qu'on dit ça, mais c'est un jeu de 64 qui a bien vieilli. Le graphisme est encore quand même très potable. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Donkey Kong 64, ça ressemble à Banjo-Kazooie. Donc, t'sais, si vous avez déjà joué à ce jeu-là et vous rejouez à ça, vous ne pouvez pas haïr ça. T'as-tu déjà joué à la version, je pense... Xbox? Non. J'ai vu, par contre, le graphisme. Parce que le mode solo, la campagne, elle est excellente. T'sais, c'est juste une remasterisation. Oh, ouais, c'est débile. Ça, mais le mode multiplayer, gâché. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ça, il aurait pas fallu qu'il change ça, parce que le mode multijoueur était renommé, en fait, t'sais, parce que... Je me souviens, moi, avoir faiblement joué à la campagne solo. Je me souviens d'à peu près tout, mais j'ai jamais vraiment joué à ça parce qu'on jouait beaucoup plus au multijoueur qu'on jouait à campagne solo. Le multijoueur, il était quand même simple, puis tout ça, tu sais. Oh, et là, mais là, quand dans la version Xbox, là, il y avait des chars, puis tout ça, puis il y avait plein de... Ah non, il y avait vraiment rajouté plein de choses qui... Non, moi, j'ai vraiment pas accroché. Collait pas. Ben, c'est ça, c'est que probablement que rares se sont dit, on va essayer de changer la donne parce que là... La console Xbox avait internet avec le Xbox Live, et puis on s'est dit tu sais, mais c'est non. Ça, c'était une erreur de faire ça. Ouais, c'est très comprenant. Et c'est tout pour le bloc 2, et on se revoit dans le bloc 3. Je suis en train de demander à Yusuke. Ah, il est là, c'est bon, tout correct. There we go. Alors, on reprend ce bloc, ma foi, assez... bien rempli. On vient d'une brosse avec Conker et on repart dans le monde des cimetières et dans le monde des gargouilles avec Demon Crest au Super Nintendo Beyond the Calcium. Oh que oui, mon homme. Ça a été fait par qui, ça? Capcom! Ça a été publié par Capcom. Et qui nous a composé ça? C'est Toshioko Oriyama. J'aime ça quand il y a un compositeur. Ouais, moi aussi. Ça me fait vraiment triper. C'est une suite carrément de Gargoyle Quest, hein, le jeu RPG qui avait sorti dans le temps au Game Boy. Et que, bon, ma foi, ça va être assez dur. Mais j'ai jamais joué à Gargoyle Quest. Moi non plus. Jamais. Puis, ben personnellement, je préfère son successeur qui est 4 fois supérieur. C'est un chemin épique. C'est très, très, très bon comme jeu. J'adore ça. Encore une fois, je pense que c'est la toune du premier, là. Les tounes du premier. Il me semble que oui. Ben... Oui, mais ben je pense je savais que, pas, mais il me semble que oui. Parce que tu commences le tableau avec un dragon qui te court après un peu, mais je sais pas si c'est après. Non, je pense que c'est après, oui. Ouais, c'est ça c'est le prologue, c'est après. Et après ça, on commence donc premier stage, Beyond the Colosseum. Ce jeu-là m'a fait triper, ça a été une découverte. Dans le temps, je l'ai découvert sur l'émulateur, parce que ça coûtait quand même très cher encore les cassettes de Super Nintendo. Ouais. Puis, écoute, moi je capotais avoir une console de Super Nintendo dans son ordinateur. Puis je découvrais ça. Et moi j'ai une belle petite anecdote avec ce jeu-là. Parce qu'à un moment donné, t'as un boss particulier qui lui est comme une espèce d'oiseau, un espèce de gars qui te parle. Puis fait comme. Il revient tout le temps, un peu comme la Team Rocket dans Pokémon. Oh, c'est chouette. Puis lui, à un moment donné, on le bat. Sauf que moi j'ai eu un bug avec la room. Il est invincible. Écoute, j'ai dû le fighter pendant justement pas peut-être 15-20 minutes. Puis là, à un moment donné, je me disais, mais calique, ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit autant long que ça. Que ça prenne autant de temps que ça. Puis non, c'était ma save qui était corrompue ou peu importe. Mais j'ai eu un bug avec ça. Mais tu sais, regarde, j'ai aucune. Il y a vraiment l'air de fun. Non, c'est assez hot. Je me suis procuré récemment, justement, je pense que. Je l'ai pogné, je pense que c'était moins cher, il valait 68$ environ. Puis le label est quand même magané un peu. Là. Je vais essayer bien de l'arranger, bien de l'imprimer un autre. Ouais, non, parce que je veux pas que c'était le moins cher, puis la plupart ils valaient au-dessus de 100. Tu sais. Non, c'est sûr que. Toi, tu l'as décollé un peu, non? Pas encore. Écoute, ça vaut à peine. C'est toute qu'une raid. Il est trippant, puis je pense qu'il n'y a pas grand jeu qui puisse à côté niveau. Si vous cherchez un jeu de platformer, quand même assez difficile, on peut se transformer avec des petits éléments RPG. Ça va vous plaire, c'est sûr et certain. Donc, on aime ça. Demon Crest. Ensuite, on a un autre classique. Ouais. Donkey Kong Country. SNES. Le premier. Une des créations que monsieur David Wise a dit lui-même que c'était sa meilleure chanson. Il l'a dit en entrevue. Sa toune fétiche un peu. T'sais, le monde le dit, c'est quoi ta toune préférée? Il a dit cette toune-là. Parce qu'il y a plusieurs instruments. Dans le temps, il avait combiné beaucoup, je sais pas, c'est peut-être des morceaux de piano, tout ça. Il avait fait une grosse track. Tout simplement, C'est moi-même, c'est une de mes tounes préférées du premier. Est tellement bonne. Oui. C'est bon là. Sans bon sens. Fait que c'est... Oui, vas-y. Étrangement, c'est pas plat. T'sais, t'es dans l'eau, mais c'est très bien encore une fois. Oui. Tu vois, moi, les affaires dans l'eau. Là. Bon, ben là, c'est le fun. Pas de triper parce que ça, non, c'est vrai que c'est. Ben des fois, c'est ça. On dirait que les développeurs, ils se sont tous dit, gars, toutes les bouts dans l'eau, là, c'est de la merde, mais on va mettre des bonnes tunes. Fait comme ça, le monde va le faire. Ils chialeront pas. Ouais. Même dans Mario Bros, la musique elle est bonne, mais reste que les tableaux dans l'eau, c'est dur, puis on se fait tout tapogner, puis c'est de la merde. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on a, Dom? Ben, on a Driver Miami Night Cup. Yes, c'est sur quelle console? PC et PlayStation 1. Oh. PlayStation 1. On l'aime-tu, le PlayStation 1? c'est bon, j'ai jamais vraiment tant joué à ça qu'à Driver. Oui. J'ai joué au PC, j'ai joué énormément. Puis, je me rappelle, me semble, je sais pas si c'était à la fin du jeu, mais c'était un code. Mais t'as la manière que tu peux débloquer une espèce de voiture super rapide, une voiture rouge. Okay. Puis elle allait tellement vite qu'elle faisait tout le temps des gros. Si t'étais pas. Pas prudent, tu faisais comme un wallet au début. Puis c'était pas chauffable, puis il y avait un cheat où ce que tu pouvais faire que quand tu rentres dans un char, ben. il fait comme partir dans les airs, tu sais, je pense que je dirais ça. Un peu comme les voitures, là, je sais pas. Les voitures, sont comme toutes légères. Tu sais, tu rentres dedans, puis ouh, il part à l'autre bout, là, puis là, je me promenais dans la ville en faisant ça, puis là, je regardais les replays à la fin, puis là, je checkais derrière de moi, puis il y avait des chars qui volaient partout. C'était hilarant, j'ai eu du fun avec ça. Ouais, je me souviens d'avoir plus joué au deuxième, mais okay. Pas au premier. Mais surprenamment, ça a été développé par Reflection Interactive, Crawfish Interactive et Gameloft pour iOS. Je pense que Crawfish a été pour la version GameCube. Ok, moi je suis pas familier avec ces développeurs-là, par exemple. Non plus. Mais lui qui a composé la musique, c'est Alistair Brimble. C'est une fille, Alistair. Ça sonne une fille. On va dire que c'est une fille. Fait que, ça a été porté sur plusieurs consoles. C'est sorti dans les années 2000, à peu près. Et si je me trompe pas, il y a eu quelques petites controverses, parce que tu pouvais quand même rentrer dans du monde, je pense. Ça m'a fait le même. Je me rappelle pas de ça, par exemple. Ou c'était plus un jeu carrément de char. Je pense que les autres de la série, que là, ils avaient commencé à sortir du char, un peu faire compétition avec Grand Theft Auto. Mais ça se peut, tu fais rentrer dans le monde, par exemple. Je me souviens. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, moi, méchant en bout, là. Moi, j'ai jamais joué, fait que je m'en souviens. Ouais. Fait que, sur ce, bonne écoute. Yes. Alors, bloc 4. Oui, bonjour. Qui s'ensuit. Oh, hein, salut. fait qu'on a une tune assez spéciale. On a le loading screen de Grand Theft Auto 4. Ben, en fait, moi, je considérais ça vraiment comme le thème de, du jeu. Parce que, me semble qu'en général, tout ce que t'as comme tune, c'est les tunes de la radio, me semble. Ouais. Pis t'as pas vraiment de chanson originale qui se passe dans le jeu. En tant que je me trompe. Ben, oui, il peut en avoir, mais on n'y porte pas vraiment attention. Ouais, parce que je me souviens plus d'avoir écouté à la radio, moi, dans le char, ça. Exact. Comme tous les bons Grand Theft Auto. Ouais. Oui. Mais vraiment bonne. Je trouve qu'elle fit vraiment, là. Comment je dirais ça, le niveau du gangstérisme un peu, là, le criminel, là, ça se relie bien, non? Ça a bien été fait. Là-dessus, on connaît pas malheureusement qui a composé cette musique-là. Ouais, c'est pas marqué. C'est pas marqué sur Internet. Bon, peut-être c'est marqué quelque part, mais notre vachisme a atteint un paroxysme assez incroyable. On sait que, par contre, que c'était développé par Rockstar North et Rockstar Toronto, donc ça vient du Canada, et publié par Rockstar. Donc ça a été fait pas mal par eux autres, je pense. Hein, oui. Fait que c'est ça. Parce qu'on s'entend là-dessus. C'est vraiment bon. Mais c'est ça, c'est pas de quoi que vous allez rocker, vous allez sauter dans les airs ou vous allez faire le party. Mais par contre, c'est ça, quand je vois ça comme Dom, ce qui est cool, ce que je trouve cool de cette tune-là, c'est qu'on se met vraiment dans la peau d'un personnage. On veut vraiment se mettre dans la peau de Nico Bellic pour être quelqu'un qui vient déménage aux États-Unis pour faire sa vie. Je trouve que ça représente vraiment, ça reflète vraiment bien l'histoire de Grand Theft Auto. Est-ce que tu l'as passé, jeu? Non, je l'ai pas passé. Je devrais, mais en même temps, c'est trop un jeu qui me... Je sais pas. Grand Theft Auto, ça a toujours été comme ça pour moi. C'est... Je le commence, je me tanne, rendu peut-être à la moitié, puis j'arrête. J'ai du fun. Ah non, moi, j'adore mais ça. C'est tout. Parce que je me rappelle, il y avait un bug à un moment donné. C'est une place vraiment précise. C'était comme une espèce de petit parc, là, un petit parc d'attractions. Ben, un petit parc pour enfants. Puis à un moment donné, faut que tu. Avec ton char, tu grimpes sur un poteau. Puis en grimpant là-dessus, tu restes là, puis tu fais sur le gaz. Puis à un moment donné, ton char, tu pars à l'autre bout du monde, comme si tu venais de te faire catapulter. Là, tu t'as fait. Ah oui, c'est. Toi, c'est un les chars qui volent. Hein? Ouais, moi, j'adore ça. Dom, il aime ça, les gens qui volent. Puis pendant ce temps-là, là, tu débarques, là, puis là, ton bonhomme, il est dans une petite boule, puis il tombe. Ah, j'avoue que c'était bien fait. Ben, oui, j'avais du fun. Tu sais, parce que même pas là-dedans, t'as des prostituées. Là. Ben oui, ben oui. Là, je n'avais payé une, puis je suis allé. Il y avait comme un pont qui était pété. Puis moi, je me suis mis... j'ai mis le char de côté. Dans quel sens tu t'es mis, là? Non, j'ai mis le char, le côté passager, dans le vide. Puis moi, j'étais à l'autre bord. Fait quand j'avais fini mes troubadous avec la fille, elle a sorti du char, puis elle tombe en bas. Sort du char, elle tombe en bas, puis là, il y a son cas, j'étais là, puis elle a ramassé l'argent. Comment tu es de fille de joie de manière originale et songée, selon Dominique Jean? Fait que prenez des notes, c'était le bon temps. Ah, c'est ça, c'était bon. J'ai hâte d'avoir le 5, hein. Vraiment, avec le trailer qui est sorti dernièrement. Là, ouf, là, c'est... Ouais, franchement, j'ai checké, d'ailleurs. Ah, ça va être vraiment bon. Ben, c'est surtout, je pense que l'histoire va être vraiment très, très, très... aussi bonne que le 4e, sinon plus. Puis l'univers va être gigantesque, fait que... Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être assez malade. Ensuite de cela, on a Guilty Gear, Holy Orders, Be Just or Be Dead. C'est malade. Très, très bon. C'est assez avec fou. Avec le petit clavecin au début, c'est un clavecin? Ah, je pense que oui, c'est du clavecin. En tout cas, moi, j'adore cet instrument-là. Oh, ouais, c'est vraiment cool. Il l'utilise beaucoup dans Castle. Ça reflète beaucoup le médiéval, justement. Ouais, exact. Dans Guilty Gear, c'est beaucoup utilisé, puis je trouve que ça a vraiment sa place. Vraiment cool. C'est Daisuke Ishiwatari. Une fois de temps en temps, je prends l'accent pour le fun. Daisuke Ishiwatari qui a fait ça. Guilty Gear, ça a été fait, développé par Arc System Works. Et d'ailleurs, ils ont fait quand même plusieurs jeux. Si je ne me trompe pas, ils ont fait la série de Marvel vs Capcom. Si je ne m'abuse, ils ont fait Blazblue. Oui, monsieur. Ils ont fait Double Dragon, Zed, Super Sonic Warrior. C'est vraiment des pros dans des jeux de combat. Parce que d'ailleurs, Daisuke, justement, il a fait les tunes de Hard Corps Surprising. Oui, aussi. Oui, vraiment. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est pas Marvel qui ont fait. C'est une autre série de jeux de combat que je me souviens vraiment en plus. Bref, En tout cas, ouais, BlazBlue, d'ailleurs, ce compositeur, comme tu dis, il a fait Arcop Surprising, qui est d'ailleurs notre tune d'intro, Non, c'est vraiment un coup qui est malade. C'est un jeu de combat, hein. Oui. Mais il me semble, d'abord, les gameplays que j'ai vus, ça avait de l'air un peu lent. Ça avait l'air mou. Ouais, non, j'avoue. C'est... Ça avait l'air le fun, mais on dirait que la vitesse de combat, ça, c'était pas assez vite. Mm. Non, c'est ça, c'est quand même... c'est pas des jeux qui sont vraiment renommés pour leur vitesse. Par contre, visuellement, je trouve ça très beau. C'est anime, là, on s'entend. Ouais, très anime. Manga-esque, un peu. Manga-esque, et non, c'est super, super cool. Mais les soundtracks, là... Ouais. Tout excellent. Non, c'est ça. Puis d'après ce que je peux voir, il y a eu Battletoads qui ont, je pense, qui ont comme un peu... Ils en ont fait beaucoup. Okay. Arc System Works, je dirais que sont assez polyvalents, non? Très bonne compagnie, oui. On les adore. Ensuite, ben, pour finir, dernière chanson du bloc 4. Et oui, écoute, le premier stage. Encore une fois. C'est tout, hein? Les chars volants puis les stage 1, hein? Ouais. All the way. Space Colony Runes de Journey to Sidious. Hey, un jeu que je connais, mais pas pantoute. J'ai jamais joué à ça de ma vie. J'ai dû écouter cette chanson-là la première fois tantôt. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Ouais, je pensais pas que je pensais que tu l'avais déjà écouté. Non. Je t'ai fait entendre. Ah, peut-être. Écoute, on a tellement écouté que ça se pourrait. Moi, j'en reviens que... pas. Ah. Que ça soit du NES. Aïe, aïe. Sorte de ça, c'est dément. Mais Sunsoft, il est long pour ça. Sunsoft, c'est des dieux. Ce temps-là, il était bon pour les soundtracks. On s'entend, je pense que c'est les mêmes gens qui nous avaient offert Batman au Nintendo Zan, le premier. Je sais pas si c'est le premier. Je pense que c'est Return of the Joker, le second. Ouais, ou en tout cas, bref, au niveau de la musique, ils l'ont beaucoup. Les compositeurs qui ont fait ça. Bon, tu vas te faire du fun. Ah, quelle vase. Mabochand, Marumo, About SS, Naoki Kodaka, puis Nobuyuki Hara. D'après ça, le monde se demande pourquoi que j'aime pas les Asiatiques. Non, sérieusement, un jeu qui a été sorti dans les années 90, ça a vraiment de l'air cool. Par contre, je sais pas si c'est un platformer ou quoi que ce soit. Les tunes sont excellentes, mais est-ce que le jeu est bon, ça, je sais pas. Non, c'est ça, je sais pas. Ouais, ben, il dit que c'est un side-scrolling action game. C'est un jeu d'action. Si Sunsoft fait derrière ça, d'après moi, c'est bon. Ah oui, ben oui, c'est sûr et certain. Écoute, ça ne peut pas être mauvais. Mais c'est ça, c'est un genre de jeu. D'après moi, c'est un underdog. Le monde n'a pas dû beaucoup entendre parler de jeu, là. Et sur ces belles paroles, mes très chers amis, je vous souhaite une dernière bonne écoute pour ce bloc. Et, hey! We'll be right back. Hein? Hey, ben quoi? C'est la fin. C'est la fin de début de la conclusion. Ouais. Fin du bloc. Écoute, Dom, encore une fois, merci. Merci ouais, d'avoir pas été problème, là. Problème, Colin, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de se voir en ouais. même temps. Écoute, on prend un bon repas pour faire ça. C'est merveilleux. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pendant ces blocs. J'espère que la musique vous a plu. Comme de fait, on va répéter ce qu'on vous a dit. N'hésitez surtout pas à nous envoyer les messages que vous voulez. On est toujours, toujours très ouvert d'esprit à vos propositions. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi par rapport au chapitre. Au niveau qu'on pourrait switcher de chapitre, mettre des images. Je regarde peut-être un tutoriel là-dessus. Alors, c'est officiel, je lance un appel à l'aide. tous les podcasts qui nous écoutent en ce moment, ou tous ceux qui sont bons en informatique, ou qui sont habitués avec ce genre de modification de podcasts, contactez-nous. Contactez Dom, surtout Dom, à Dominique. @Dominique-Jean sur Twitter et envoyez-lui un message privé, dites-lui de vous suivre par Twitter, puis envoyez-lui un message, aidez-le parce que nous on aimerait ça le faire éventuellement. C'est quand même ça a l'air d'être beaucoup d'ouvrages, mais on veut le faire. Ça va ajouter du contenu justement. Ah c'est le fun, si vous voulez switcher entre les tunes puis tout ça avec des belles images, puis nous autres c'est sûr qu'on aimerait ça. Ceci dit, comment je pourrais dire ça? C'est sûr que on n'est pas capable de le faire tout seul, tu sais, je veux dire. Puis en plus, on est soucieux, on sait que vous voulez de la qualité. Puis Guico Ramon, t'es supposé de faire ça une fois par mois, puis se dire, tu sais, on va mettre le minimum. Finalement, j'ai le goût de mettre le maximum. Ouais, mais ça nous donne, tu sais, pas plus de jus en tant que tel, mais tu sais, on fait des recherches, puis on veut faire un show de qualité. Ouais. Puis on veut que ça apparaisse. Donc, le but de ça, c'est que vous nous aidiez à vous aider pour avoir des chapitres. Alors, je lance un appel à l'aide. C'est fait. Ouais. That's it. Donc, t'avais-tu un mot de la fin? T'avais-tu quelque chose à dire, toi, Oui, non, pas grand-chose. J'aimerais remercier justement les auditeurs de nous avoir écoutés. Puis j'aimerais ça. Je sais que je vais faire un peu mon têteux. Non, je veux pas dire, j'étais dans le milieu du podcasting. J'étais quand même un novice dans. En tant que podcasteur, mais en tant qu'auditeur, je n'écoute beaucoup comme L'Épée Légendaire, Trou Nouveau, Facteur Geek, Gamer, Québécois. En tout cas, je n'écoute peut-être 7-8, là. J'aimerais ça dire à Azo Talbot. Ouais, Azo Talbot. Qui vous fait toute une bonne job, puis j'ai bien du fun à vous écouter. Ben oui, c'est ça. On est tous des fans de podcast, puis le podcasting, c'est ça qui est le fun. On est une belle gang qui se serre les coudes. Ouais. Puis on a bien du fun, donc. Non, c'est ça. Écoute, donnez du love à Dom, il en a besoin, il en veut. Puis allez lui dire que qu'il se prendre, tu sais. qu'il se fasse rosser un peu. Mais non, c'est ça, c'est vrai. Non, moi aussi j'écoute pas mal les mêmes podcasts que toi. Toujours bien du fun à écouter la gang de entre autres Radio Talbot. Moi je les adore, j'en mange pas. Je les ai pas mentionnés, j'adore ça. Ouais, non, rétro nouveau aussi. Et merci encore justement à la gang de Dominique Bourret que j'ai interviewé dernièrement dans mon show qui était super fin justement, qui nous disait lui il nous parlait peut-être de dire les noms de tunes à chaque fois avant qu'on les passe, mais tu sais avec les blocs qu'on a fait, je pense que ça va être correct. Bref, moi j'aime ce concept là. Ah oui, non, le monde on l'air aimait ça, puis ça va pas mal continuer. Je sais qu'il y avait Max Tremblay de Depuis Légendaire qui nous avait parlé peut-être d'ajuster le volume à pas de oui, d'égaliser ça, le volume. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Mais ça, Dom, il va s'en occuper. C'est pas majeur, mais. Non, mais ça. Oui, tu vas pouvoir faire ta vaisselle sans monter puis baisser le son, mon Max. Il n'y aura pas de problème. Ta belle vaisselle. Ben oui. Fait que c'est ça. Hey, non, encore une fois, merci. J'espère que. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne iTunes. Allez aimer sur Facebook Fun Jouer Jeu. Et suivez-nous au @ValeDan sur Twitter et @Dominique petite barre en bas Jean sur Twitter. Yes. Sur ça, je vous remercie beaucoup et à plus et à la prochaine. Salut tout le monde.